nous appellent. Quand on est triste, on les entend. Ils ont des voix tellement belles. Celui qui tourne autour de moi est un reflet des beaux dimanches. Et parfumé dans les sous-bois où l'amour pleut en avalanche. Je me souviens d'un air d'accordéon qui traîne partout ces quatre notes. Un air vieillot dont j'ai perdu le nom. Musique tremblante qui radote, et ça tourne, tourne, tourne dans ma tête. Et ça chante, chante, chante un air de fête. J'ai dans mon cœur la voix d'une chanson qui parle tout haut de ma jeunesse. Mais les beaux jours n'ont pas le temps de s'occuper de tout le monde. Ils m'ont laissé vos derniers rangs et mon amour quitta la ronde. Comme ils sont loin les souvenirs, les tours de valse et l'espérance, on pleure un peu et pour finir tout cela tient dans des romans. D'un air d'accordéon qui traîne partout ces quatre notes. Un air vieillot dont j'ai perdu le nom. Musique tremblante qui radote, et ça tourne, tourne, tourne dans ma tête. Et ça chante, chante, chante un air de fête. J'ai dans mon cœur la voix d'une chanson qui chante tout haut sur ma jeunesse.